Yeah. J'ai presque tout pour être heureux, mais pourtant je me plains quand même à croire qu'en fait je regrette le temps où je baignais dans les emmerdes. Mon petit mon frère, c'est cool, tu taffes, tu progresses, mais j'oublie pas quand la vie met des fous, tu tardes du revers. En résultat, je suis peut-être une sorte de pourri gâté. Je broie pas du noir, mais je m'en construis une cage pour y gratter. Ouais, je suis qu'un joli raté, et c'est ce qu'a prédit dame nature. Crois-moi, je casserai pas la baraque avec une catapulte. Je déploie mon parachute souvent lorsqu'il est trop tard. Il faut que je prenne du recul, il serait temps que je me mette au calme, ouais, que je parte me faire une cure. Qu'on balance du sample par perfusion. Qu'une seule envie, tant que tu as envie, c'est de faire du son. Et pourtant sombre sont mes écritures. À croire qu'il n'y a pas d'espoir, mais ça je te l'ai déjà dit. Putain, je fais pas d'effort, faudrait que j'y mette les formes. Que je vous lâche du positif. Je compte pas vous mentir toute ma vie comme un politique. On est arrivé sur la scène tout en criant notre âge. Pleurer, crier, ouais c'est dans nos gènes. On partira même sans laisser de traces. Afin de fuir tous ces cons qui nous gênent. Une fois là on arrêtera de se plaindre. En regardant ce qui se trame en bas. En attendant, gros, ici on est plein. À ironie de ces cons qui rentrent. L'ambiance m'étouffe, j'ai juste envie de partir. De m'évader, de m'enfuir. Ici y'a toujours une galère quand tu crois t'en sortir. Je me plains pas de mon sort, mais cette odeur, je veux plus la sentir. À petit feu, je m'endors, frère, et chaque jour ça empire. Je suis prêt à quitter ma terre, aller voir au-delà des remparts. Partir loin des prises de tête, sans voir venir les brancards. Car pour l'instant, c'est bancal, y'a trop de choses qui me rendent barge. Le bonheur me recale et toutes les nuits, je gamberge. Paraît que le pire, c'est pas la chute. Comme dit Déclic, il est souvent trop tard quand tu décides d'ouvrir ton parachute. Nous, ce qu'on réclame, c'est pas la lune. Juste un peu de répit, car c'est dans la tempête que chacune de nos peines s'affute. J'essaie de respirer mais j'ai la tête sous l'eau. De plus en plus nombreux sont ceux au bout du rouleau. Une fois là-haut on arrêtera de se plaindre. Ouais on arrêtera de se craindre une fois là-haut. On est arrivé sur la scène tout en criant notre âge. Pleurer, crier, ouais c'est dans nos gènes. On partira même sans laisser de traces. Afin de fuir tous ces cons qui nous gênent. Une fois là-haut on arrêtera de se plaindre. En regardant ce qui se trame en bas. En attendant gros ici on est plein. À ironie de ses concurrents. Je suis malade des mois, je m'entête toujours à fuir les gens qui m'aiment. En déficit de sentiments pour tous les gens qui m'aident. Frérot, j'ai pas de plan, je suis pas gangster, j'ai pas le cran. Devant ma sœur, fais pas le grand, pour elle, je me place en sentinelle. Sais-tu ce que c'est que d'oublier ses peines, se sentir libre, se sentir ivre de vie avec ou sentir lire. Perso, c'est plutôt sang, et je me rends compte que je viens de te dire une connerie aussi grosse que la douleur d'un innocent. Chez moi, ça se bute au champ, en vivant dans la réalité, pendant qu'ils se mettent à l'idée que le bonheur, c'est des putes au champ. Je suis souvent contradictoire, vu que je me sens manipulé. Comme ce jeune qui croit que c'est pour l'islam qu'on lui dit vas-y tue. Trop d'amalgames ne devient pas leur pantin articulé. Vu qu'ils incarnent la flamme d'un futur destin acidulé. Donc écoute ce texte comme une blague pas drôle. Vive la paix, en guerre pour elle, ton corps de question de capituler. On est arrivé sur la scène tout en criant notre âge. Pleurer, crier, ouais c'est dans nos gènes. On partira même sans laisser de traces. Afin de fuir tous ces cons qui nous gênent. Une fois là on arrêtera de se plaindre. En regardant ce qui se trame en bas. En attendant gros ici on est plein. À ironie de ces cons qui rembarchent.